On y voit que du feu dans tes beaux yeux. Je m'y verrais pas qu'un peu dans ce petit jeu. Nudité assumée dans ce décor. Ces corps affamés ont fané, t'es d'accord? On n'a qu'à tirer de nous deux qu'un coup des yeux. Un coup des yeux. C'est dangereux. Ce sublime précède largement la beauté venue d'une sphère par l'aide du calme, la volupté d'une élégance céleste, le charme par la pensée. Arrêtons tous ces gestes, il est bon d'avancer. Pourtant, c'est...